jeune production présente Banamolo Kaye Manu Luvaka Tambusa va plan dans monde entier. Il y a pas de l'obaka terre. Ma belle est au tambo la cabane, c'était tolé la cam. Boutou pour la bombe, mi tonga pour la colouka. Au salamba. Mokili pitié, pitié. Moi si pour la salle, ça n'a pas passé l'ango. Tendresse et sala. Bana pour la boca, ni si fruit à la vie comme y'a l'amour. C'est ainsi Dieu créa l'homme. Mokili pitié, pitié. Quakito, ouf, aou, aou, ouf, i. Oya Kolinganza Melikolo, Oya Masumunda Popingatoa, Mabe Mabe Olifelo. Je suis beaucoup tant de maïsou. José Mongala Nanga, Oluke Pai Mokile Bandateo, Nape Claudie, yeah, yeah, yeah, yeah. Oluke Pai Mokile Bandateo, Pasco Ninga, Oluke Pai Mokile Bandateo, Nape Jemaki, yeah, yeah, yeah, yeah. Oluke Pai Mokile Bandateo, Zambe Yemei Mokeli Ayebi. Elodie, Obongo Limote, Mate, Matina Nini, Bato Bako Nima Yate. Eric Lema, le tenant du titre. Aïe, yo bongo limote, mate, mate, nanini. Bato, bato, ni mayoto. Yale lo, yo change bizali. Wapi bande, kumayo, baye biverite. Soso yango, oye leli ayamu. Boyo wango nangayi, wetelo na yezue. S'il vous plaît, en direct de Paris Go.